Les courtiers, les banques et même Bercy étaient en panique sur l'immobilier. Le problème, les taux d'intérêt montent de plus en plus vite et le taux d'usure bloque les demandes de crédit. Du coup, les acheteurs se font rares et la baisse de l'immobilier risquait de se finir en krach. Mais ne vous inquiétez pas, grâce à une réunion éclair entre Bercy, la Banque de France, les banques et les courtiers, ils ont trouvé une solution pour continuer à vous donner des crédits. Ils vont maintenant augmenter le taux d'usure tous les mois. C'est une manière de s'adapter rapidement au taux d'intérêt en hausse tout en protégeant les emprunteurs. Parce que, après tout, il faut bien qu'ils soient protégés eux aussi. La modification devrait rentrer en vigueur en février ou mars, alors préparez vos chéquiers. Mais pour vous parler de tout ça, il faut que je vous raconte une histoire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, bien je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Claire. Claire de notaire, elle est agent immobilier. Et en ce moment, c'est la véritable panique dans son métier. Elle commence à avoir du mal à vendre des biens. Elle a toujours des vendeurs immobiliers, ça, elle en trouve même de plus en plus. C'est les acheteurs qui lui mentent. En fait, elle rencontre régulièrement des acheteurs, elle leur fait visiter des biens, puis ils vont voir un banquier et ils ne reviennent jamais signer la vente. D'ailleurs, prise un peu de panique, Claire a fini par aller voir Philémon. Philémon, code secret, vous le savez, c'est un des banquiers de la Saltimbanque. Et Claire a demandé à Philémon pourquoi donc il n'accordait plus aucun crédit aux clients qu'elle pouvait lui envoyer. Philémon a été très clair. Son problème, c'est tout simplement le taux d'usure. Le taux d'usure, c'est un taux au-delà duquel le banquier ne peut plus prêter à ses clients. Le taux d'usure, il est calculé tous les trimestres par la Banque de France. Pour arriver au taux d'usure, en fait, le banquier prend le taux auquel il prête aux clients, il ajoute les frais de dossier et il ajoute l'assurance emprunteur. Et là, il atteint un certain taux qui doit être inférieur donc au taux d'usure que donne la Banque de France. Le problème que rencontre Philémon, c'est que le taux d'usure de la Banque de France, il est calculé tous les 3 mois. Alors que le taux donné par la Banque Centrale, la BCE, lui, il augmente très régulièrement et en ce moment, il augmente même très vite. Ce qui fait que le taux auquel Philémon prête de l'argent, en principe, continue à augmenter, lui, aux mêmes vitesses que celle de la Banque Centrale. Et il se retrouve régulièrement bloqué par le taux d'usure. Très régulièrement donc, il ne peut plus prêter aux clients, tout simplement parce que tous atteignent ce taux d'usure. Et il est obligé de leur refuser les prêts. Ce qui explique à Claire pourquoi les clients ne reviennent plus chez elle après avoir vu Philémon. Bref, Claire et Philémon commençaient à avoir un peu peur de ce taux d'usure. Claire, parce qu'elle ne trouvait plus de clients à qui vendre des appartements, et Philémon, parce qu'il n'arrivait plus à faire de prêts à ses clients. Ils sont donc allés tous les deux voir la Banque de France. À la Banque de France, c'est Alban qui s'occupe de calculer le taux d'usure. Alban qui est central, il calcule ça tranquillement comme il l'a toujours fait depuis de nombreuses années. Et d'ailleurs, jusqu'ici, ça ne posait pas vraiment de problème. Tout simplement parce que la BCE n'augmentait pas ses taux. Et comme elle n'augmentait pas ses taux, on pouvait garder le même taux d'usure tous les 3 mois. Ça ne changeait rien au prêt que faisait Philémon. Mais donc, Claire et Philémon sont allés se plaindre auprès d'Alban du fait qu'ils n'arrivaient plus à trouver la possibilité de faire des prêts à des gens pour acheter des biens immobiliers. Alban, lui, était tout content de lui. En janvier, il venait de sortir un nouveau taux d'usure à 3,57%. Ce qui, d'ailleurs, redonnait un tout petit peu d'air pour pouvoir faire des prêts. Mais comme la Banque Centrale Européenne doit à nouveau augmenter les taux prochainement, ce tout petit peu d'air, Claire et Philémon voyaient bien qu'il allait bientôt disparaître. Donc, ils sont allés voir Alban. Alban, dans un premier temps, n'était pas très satisfait. Il est allé voir, lui, le ministère des Finances, Bercy. Parce que Bercy a quand même un grand rôle dans le calcul de ce taux. À Bercy, Alban est allé voir Yvon. Yvon Payet est un des fonctionnaires du ministère des Finances. Il travaille aux impôts. Et Yvon n'était pas prêt à ce que l'on change les choses, en tout cas dans un premier temps. En fait, Alban et Yvon appliquent à la lettre cette maxime du gouvernement Macron et de toute la politique macronienne. Diriger, c'est rien voir. Alban et Yvon étaient en train de se serrer la main, tout contents de se quitter et surtout de ne rien faire, quand leur porte a été littéralement défoncée par Claire et Philémon. Claire et Philémon entendaient bien à ce que les choses changent. Et ils ont tout de suite dit à Alban et à Yvon qu'il était absolument nécessaire de travailler sur ce taux d'usure. Parce que, selon Claire, l'immobilier allait tout simplement s'effondrer. Les ventes étaient déjà en baisse, mais si en plus on ne trouvait plus aucun acheteur à cause du taux d'usure, alors le marché allait droit au crack. Et je crois que c'est ce qui a fait bouger Yvon comme Alban. Parce que, malgré tout, eux, ils vivent en France. Et avoir un crack immobilier, alors que eux-mêmes sont propriétaires, ça peut être un véritable problème pour leur patrimoine personnel. D'autant que leurs chefs respectifs auraient aussi été mécontents de la baisse de leurs actifs immobiliers. Yvan et Alban ont donc réfléchi pour essayer de trouver une solution. Et l'idée qu'ils ont eue, ma foi, est plutôt bonne. L'idée, elle est très simple, elle va juste demander un petit peu plus de travail à Alban, ce qu'il n'aime pas trop, il faut bien le dire. Mais il va devoir calculer maintenant tous les mois l'augmentation du taux d'usure. En le calculant tous les mois au lieu de tous les 3 mois, il est sûr d'avoir un taux d'usure qui sera beaucoup plus proche, enfin beaucoup plus en ligne, je veux dire, avec le taux que donne la banque centrale et donc avec l'augmentation de ce taux. Ce qui fait qu'on devrait garder tout le temps à peu près la même différence entre le taux des crédits, le taux auquel Philémon vous propose un crédit sur 20 ans, et le taux d'usure. Et on n'aura pas alors régulièrement ce taux d'intérêt qui monte alors que le taux d'usure ne bouge pas et qui finit toujours par créer un goulet d'étranglement, ce qui fait qu'il n'y a plus d'acheteurs. Alors, j'avoue que Philémon a été un petit peu déçu, peut-être comme certains d'entre vous, par le fait qu'on ne supprime pas purement et simplement le taux d'usure. Après tout, si c'est ça qui coince, on peut le supprimer. Ben non, parce que Alban fait parfaitement remarquer que le taux d'usure, il est quand même là pour protéger les gens qui empruntent. Il évite que les banques soient trop gourmandes et demandent des taux d'intérêt beaucoup trop élevés à des gens qui ne pourraient pas rembourser leur crédit. Bref, la réunion entre Claire, Philémon, Alban et Yvon a été plutôt productive. Et on va avoir prochainement un taux d'usure qui va devenir mensuel. La date donnée par Bercy pour le changement est entre février et mars. En fait, la seule chose qui se coince aujourd'hui, c'est qu'il faut faire un ajustement informatique, un petit développement, pour pouvoir faire ce calcul automatiquement tous les mois. Et si vous voulez mon avis, c'est une très bonne chose. Et ça peut vraiment permettre au marché de l'immobilier de se stabiliser, ou du moins d'atténuer sa baisse. Et ça, ça peut nous éviter un crack. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que ce que vient de faire Bercy ou ce que vient de faire la Banque de France va nous permettre de sauver le marché de l'immobilier? Ou est-ce que vous pensez qu'ils auraient dû aller beaucoup plus loin et tout simplement faire sauter le taux d'usure? Dites-le-moi dans les commentaires. Et le dicton du jour. Le taux d'usure, c'est comme un plafond trop bas. Ça empêche de grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.